petite vie de chat insouciante, si présente, qui a pris dans la mienne cette place importante, qui m'a tenu la patte, fait remonter la pente. Je sais, tu n'y es pour rien et c'est moi qui invente. Petite bête morte, tu es morte par moi. Je me dis que tout ça, sans doute, c'était pour toi, pour que tu ne souffres pas. Mais en fait, je ne sais pas. Je sais qu'hier au soir, j'ai fait tuer mon chat. Non, petit chat, je ne mélange pas. J'ai perdu de vraies gens et je ne confonds pas. Mais je suis triste, triste, triste, si triste. Mamie, tu es morte et je suis orphelin. Et moi qui n'ai pas vu que tu n'étais pas bien. J'étais souvent ailleurs, j'étais souvent très loin. Tu ne m'en as jamais, jamais voulu pour rien. Je pouvais rentrer tard, même des fois pas du tout. En confiance, tu attendais, pas inquiète pour dessous. Et dès que j'arrivais, ton regard était doux. Et là, tu savourais mes caresses comme un loup. Non, petit chat, je ne mélange pas. J'ai perdu de vraies gens et je ne confonds pas. Mais je suis triste, triste, triste, si triste. Pourquoi pleurer comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Après tout, tu n'es rien, tu n'es qu'un petit chat. Faut relativiser, pourquoi ça me prend là? Il faut que je t'oublie, mon joli petit chat. Je ne saurai jamais si vraiment tu m'aimais. Un chat, c'est-il seulement ce que veut dire aimer? Évidemment que non, et toi, tu le savais. Tu avais assez à faire à te laisser choyer. Non, petit chat, je ne mélange pas. J'ai perdu de vraies gens, je ne confonds pas. Mais je suis triste, triste, triste, si triste. Pourquoi faut-il, bon Dieu, que l'on se laisse avoir? À chaque fois c'est pareil, toujours la même histoire. On voudrait s'arrêter, ça semble sans espoir. On recommence encore, on est là pour y croire. Croire que cette fois on nous y prendra part. On prendra le recul qu'il convient pour un chat. Et pourtant quand il meurt, et oui à chaque fois, on pleure, on pleure, on pleure, qu'on est bête parfois. Non petit chat, je ne mélange pas. J'ai perdu de vraies gens et je ne confonds pas. Mais je suis triste, triste, triste, si triste. Petite bête morte, tu es morte par moi. Et je sais que tout ça c'était vraiment pour toi. Et si je ne confonds pas, et si je ne mélange pas, je sais qu'hier au soir j'ai fait tuer mon chat.